Bonjour Arjuna et à demain. La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, mercredi, troisième moment de notre semaine sur les contes dans la compagnie des auteurs. Aujourd'hui, le petit chaperon rouge. Une semaine entamée par l'évocation des mystères et des obscurités qui font l'essence des contes, lesquels sont bien souvent effrayants, car avec eux nous sommes aux frontières du profane et du sacré, là où se côtoient amour et mort, peur et désir, comme nous l'a expliqué lundi Bernadette Bricout dans une émission à retrouver en podcast. Hier avec Jérémy Benoît, nous avons parlé des grands contes de Noël, du décor de la crèche et du sapin qui y sont récurrents, de leurs sources profanes et religieuses, et de la figure de l'avare comme le célèbre Scrooge de Charles Dickens. Enfin jeudi, nous parlerons de la voix des contes, c'est-à-dire de leur réécriture multiple et de leurs enchevêtrements, car un conte c'est bien souvent un palimpseste d'histoire qui se modifie d'une narration à une autre. Cyril François nous expliquera tout cela. Et aujourd'hui ? C'est vrai que dans les livres, c'est cela qui me plaît. J'aime pas les lignes droites. Un de mes personnages préférés, c'est le petit chaperon rouge, justement parce qu'elle n'est pas, elle ne va pas directement chez sa grand-mère, mais elle se perd dans les bois. Et sans cette décision de ne pas aller en ligne droite, il y aurait pas d'histoire, il y aurait pas de loup, il y aurait pas ces dénouements assez merveilleux. Aujourd'hui, pour parler donc du petit chaperon rouge, l'un des personnages préférés d'Alberto Manguel qu'on vient d'entendre en archive, nous sommes avec vous, Anne-Marie Gara, bonjour. Bonjour. Vous êtes romancière, on vous doit le roman Dans la main du diable que vous avez publié en 2006 aux éditions Actes Sud, où vous aviez publié ensuite en 2008 L'enfant des ténèbres qui se situait dans les années 30, alors que le premier se situait à l'automne 1913. Vous écrivez aussi des romans qui traitent du 21e siècle, comme celui intitulé Programme sensible. En 2013, où il est notamment question de notre rapport aux nouvelles technologies. Et puis en août dernier, toujours chez Actes Sud, vous avez publié un roman intitulé Le Grand Nord-Ouest, où l'on suit la folle équipée de deux personnages féminins, une adulte et une petite fille de 6 ans, depuis la Californie jusqu'à l'Alaska à la fin des années 30. Alors c'est justement d'une petite fille dont nous allons parler avec vous aujourd'hui, Le Petit Chaperon Rouge, ce conte de Perrault auquel vous avez consacré un essai sous le titre Une fin de loup. Lecture du Petit Chaperon Rouge, c'était aux éditions Actes Sud dans la collection Un endroit où aller en 2004, réédité depuis dans la collection de poche Babel. Mais pour nous remettre dans l'oreille le début de ce Petit Chaperon Rouge, en voici la lecture par Georges Clès. Il était une fois une petite fille de village, la plus jolie qu'on eût su voir. Sa mère en était folle, et sa grand-mère plus folle encore. Cette bonne femme lui fit faire un petit chaperon rouge, qui lui seyait si bien que partout on l'appelait le petit chaperon rouge. Un jour, sa mère, ayant cuit et fait des galettes, lui dit « Va voir comment se porte ta mère grand, car on m'a dit qu'elle était malade. Porte-lui une galette et ce petit pot de beurre. » Le petit chaperon rouge partit aussitôt pour aller chez sa grand-mère qui demeurait dans un autre village. En passant dans un bois, elle rencontra compère le loup, qui eut bien envie de la manger, mais il n'osa à cause de quelques bûcherons qui étaient dans la forêt. Il lui demanda où elle allait. La pauvre enfant, qui ne savait pas qu'il est dangereux de s'arrêter à écouter un loup, lui dit « Je vais voir ma mère grand et lui porter une galette avec un petit pot de beurre que ma mère lui envoie. »« Demeure-t-elle bien loin ?» lui dit le loup. « Oh oui, » dit le petit chaperon rouge, « c'est par-delà le moulin que vous voyez tout là-bas, là-bas, à la première maison du village. »« Eh bien, » dit le loup, « je veux y aller voir aussi. Je m'y en vais par ce chemin-ci, et toi ?» par ce chemin-là, et nous verrons qui plus tôt y sera. Le loup se mit à courir de toute sa force par le chemin qui était le plus court, et la petite fille s'en alla par le chemin le plus long, s'amusant à cueillir des noisettes, à courir après des papillons et à faire des bouquets des petites fleurs qu'elle rencontrait. Le loup ne fut pas longtemps à arriver à la maison de la mère Grand. « Toc, toc, qui est là ? C'est votre fille, le petit chaperon rouge, » dit le loup en contrefaisant sa voix, « qui vous apporte une galette et un petit pot de beurre que ma mère vous envoie. » La bonne mère Grand, qui était dans son lit car elle se trouvait un peu mal, lui cria « Tire la chevillette, la bobinette chérera !» Le loup tira la chevillette et la porte s'ouvrit. Il se jeta sur la bonne femme et la dévora en moins de rien, car il y avait plus de 3 jours qu'il n'avait mangé. Ensuite, il ferma la porte et s'alla coucher dans le lit de la grand-mère en attendant le petit chaperon rouge qui, quelque temps après, vint heurter à la porte. Alors ce conte, Anne-Marie Gara, on vous l'a lu quand vous étiez petite, vous l'avez lu à vos enfants, vous le lisez à vos petits-enfants, ça fait des centaines, des milliers de lectures. Oui, et c'est le destin du conte, c'est l'art du conte, comme vous le disiez tout à l'heure, d'être raconté, re-raconté, oralisé, avec toutes les inventions qu'on peut y rajouter ou les ellipses que l'on peut faire. Et puis il y a, dans le cas du petit chaperon rouge, sa version imprimée, sa version figée dans l'écrit, telle que l'a rédigée Charles Perrault. Mmh, qui est la version qui vous a intéressé. À laquelle je me réfère. C'est la vraie version, c'est la meilleure version. Oui, il y en a d'autres, bien sûr, de nombreuses autres, qui ont été collectées ensuite au cours du 19e siècle par les folkloristes, les sociétés savantes qui s'intéressaient, ça c'est la grande nouveauté du 19e siècle, production populaire. Et puis il y a la version des frères Grimm. Oui, alors celle-là, vous n'aimez pas tellement. Eh bien, elle est caractéristique de ce 19e siècle pédagogiste qui veut protéger l'enfant, qui veut lui éviter les traumatismes et les fessées comme les comme les peurs, voilà, ou qui ne se sert de la peur que de manière éducative, et donc qui ajoute cette happy end pour consoler l'enfant, lui dire non, tu as désobéi, tu as été un peu puni, mais enfin tu as encore une chance de t'en sortir. On lui envoie un chasseur, je me rappelle. Un chasseur qui pratique l'obstétrique efficace et qui sort la mère Grand et le chaperon et rouge intact et qui remplace par des pierres et qui punit le loup, qui le jette dans le puits ou dans la rivière, etc. etc. Ça, c'est la happy end, donc, qui est bonne à consoler l'enfant, à l'encourager dans ses progrès, à être vertueux. C'est moralisateur, évidemment, ce que n'est absolument pas le chaperon rouge de Perrault. À tel point qu'on peut se demander si le chaperon rouge de Perrault est vraiment un conte pour les enfants. Vous auriez peut-être tendance à dire que c'est plutôt une affaire de grandes personnes. Mais dans son histoire longue de la tradition de voix orale, VOIE, hein, qui se transmet par l'oralité, en effet, le conte n'est pas une fabrication, pas plus que le mythe ou la légende, destinée à l'enfant. C'est une invention tardive, ça, je disais, pédagogiste, n'est-ce pas ? De verser à l'enfant cette production populaire. D'ailleurs, derrière l'idée, c'est que peuple, d'où viennent ces récits, enfants et femmes qui les transmettent, même engeance crédule, niaise, n'est-ce pas, qui, attachée à loi d'ailleurs, qui n'est pas, là il y a une méprise sur le titre de Perrault, mais les contes de la mère loi, il s'agit pas de la volaille caquetante et idiote, il s'agit de l'œil, de l'oreille, de ma mère l'oreille, par où se transmet le conte en effet. Et donc c'est une méprise, je crois, de penser que le conte est une fabrication infantile, alors qu'il est une production de l'intelligence des peuples, en toute civilisation, hein, en toute culture. Donc des peuples plus que d'un auteur en particulier. Mais bien sûr, il y a le grand anonymat de cette production transmise donc de bouche à oreille durant des millénaires pour certains, et donc qui construisent une pensée, qui construisent, comme les ethnologues nous l'ont appris quand même depuis un peu, que là se construisent, se fabrique un appareil mental, imaginaire, propre à aider à vivre, tout simplement, à survivre, à vivre sa condition. Mais un appareil mental imaginaire qui ne se donne pas en tant que tel tout de suite, qui est un petit peu subliminal. Bien sûr. Et justement, alors pour ça, les enfants ne sont pas les moins bons auditeurs. Sans doute à leur insu, ils parviennent à déchiffrer ce qui circule là-dessous. Ce ne sont pas des historiettes bonnes à les divertir et à les endormir, n'est-ce pas ? Surtout qu'elles sont quelquefois très secouantes, comme vous avez dit, cruelles et terribles, effrayantes, cauchemardesques pour certaines. Et donc, mais ils entendent bien que là-dessous, il y a autre chose. Il y a autre chose, mais ils ne mettent pas de mots sur cette autre chose. Et nous, on va voir dans cette émission que Le Petit Chaperon Rouge, c'est un texte qu'on peut peut-être qualifier d'érotique, dans lequel on peut peut-être trouver du cannibalisme, du fétichisme, voire de la pédophilie. Il faut commencer... Incestueux. Pardon, de l'inceste. Il faut peut-être commencer par raconter un petit peu qui est ce petit chaperon rouge et comment il se fait que cette petite fille connaisse une fin tragique alors que, là c'est un mystère, elle n'a rien fait de mal. Et même au contraire, c'est une très gentille petite fille, Anne-Marie Garin. Très obéissante, très dévouée, qui accomplit l'ordre de sa maman. Qui n'est pas, comme chez les Grimm, une maman sécure, qui l'avertit et qui lui dit les interdits. Et même au ne contraire, parle pas au loup. C'est non. Une maman qui l'envoie dans la forêt. Littéralement. Et donc, cette petite fille accomplit une mission, va voir là-bas si j'y suis, lui dit la mère en quelque sorte, là où je ne suis pas, auprès de ma vieille mère. Porte-lui une galette. Où elle devrait être, si elle était une bonne fille. Si elle était une bonne fille, justement. Et donc, la petite fille accomplit cette mission. Et en cours de route, elle rencontre le loup, comme le dit très bien Perrault. Comme elle ne sait pas qu'il ne faut pas s'attarder à parler au loup, ben, elle lui répond. Et de toute façon, il n'y a pas de loup. Ça n'est pas un loup chez Perrault. Non. C'est un gentil loup, c'est un loup très civil. Ni une langue rouge, des yeux verts, etc. Il est absolument pas effrayant avec son pelage sauvage, etc. Il n'y a rien du tout. Il parle en grand seigneur, l'interrogation inversée, avec des tournures tout à fait polissées. C'est le roué, n'est-ce pas ? C'est le séducteur, le roué, enfin. Et la petite fille lui répond très poliment aussi. Elle est très polissée, cette petite fille. Elle a une conversation mondaine en plein bois. Donc il y a déjà quelque chose d'un peu bizarre, d'un petit c'est peu bizarre, n'est-ce étonnant. Pas c'est très étonnant. Et qu'elle ne soit pas effrayée par le loup, elle devrait l'être. Elle ne l'est pas parce que tout simplement, ça n'est pas le loup. La compagnie des auteurs sur France Culture, ce n'est pas le loup, dites-vous Anne-Marie Gara. Quel suspense! On va d'abord faire un petit détour pour le conserver un petit peu, ce suspense. Promenons-nous un peu dans les bois. Anne-Marie Gara, qu'est-ce que c'est que ces bois, finalement, dans lesquels on jette cette jeune petite fille? Qu'est-ce qu'il représente? Alors, c'est dans une configuration occidentale, évidemment, de la nature majuscule, hein, qui est à la fois théologique et construite par la pensée rationaliste. C'est un lieu qui est le contraire de la culture, qui est le contraire du monde habité, du village majusculé chez Perrault. Et donc, c'est le lieu où tout peut arriver, y compris la rencontre avec le mal absolu, avec la bestialité, l'animalité, la bestialité surtout, hein, et dans lequel beaucoup de versions d'ailleurs répandues dans le monde. C'est tantôt le désert, lieux fantastiques, mais qui sont le contraire du monde humanisé, disons, dans lequel on envoie l'enfant, le petit homme, se confronter à une épreuve. Va-t-il survivre ou non, suivant les versions, etc. Il va s'en sortir ou pas, avec ses outils, avec ses moyens. Bon, et les happy end ou des fins tragiques, n'est-ce pas ? Et donc c'est une figure, bien sûr, un archaïque et un archétype, on pourrait dire, mais dont dans la version de Perrault, on voit bien qu'il a donné une petite figure féminine extrêmement plus complexe, malgré l'apparente simplicité de ce récit des plus courts parmi les trois pages. Le recueil de Perrault, c'est trois pages. C'est un petit personnage extrêmement complexe et qui est fascinant, enfin, qui a de quoi subjuguer le lecteur. Alors, elle est projetée, cette petite fille, sans transition, du village jusque au milieu des bois. Oui, quelques bûcherons traînent par là quand même, assez éloignés, donc un incapable d'intervenir. Les seules figures masculines, on pourrait dire protectrices, qui seraient là ne sont pas opérantes. Et donc, elle se trouve livrée toute seule à ce face-à-face inédit qu'elle n'a pas encore connu, duquel elle se sort finalement pas trop mal, sauf qu'il se conclut par cet ordre du loup. Tu iras par ce chemin ici et moi par ce chemin-là. Dans beaucoup d'autres versions, le loup donne le choix. Elle est d'accord jouer finalement avec le loup. C'est une enfant, elle a accompli, aussi bien qu'elle obéit à l'ordre de la mère, elle accomplit, c'est en quoi qu'on voit la fragilité et la manière dont l'enfant peut être subjugué, puisqu'il accomplit ce que lui disent les adultes ou les gens qui ont autorité sur lui. Donc elle accomplit ce que lui dit le loup, qui part en effet en ligne droite, la plus rapide. En courant. En courant, et elle prend le chemin tort, le chemin tortueux, sinueux, qui lui fait perdre du temps, dit-on, mais... Est-ce que ce temps-là est vraiment perdu? Dans la mesure où elle fait l'expérience, les petites fleurs, les noisettes et les papillons, n'est-ce pas, qui constituent une sorte de bouquet des jouissances du monde, des beautés, des émerveillements du monde, qui sont d'ailleurs figurés dans les natures mortes, qu'elle aura le temps de consommer en quelque sorte avant de mourir, hein, qui avertissent aussi du monde éphémère, mais elle a le temps d'en jouir, de jouir la totalité d'une existence dans ce parcours érotique, on peut dire, d'une jouissance des sens, avant d'arriver à la maison de la mère grand. Mmh. Et alors, elle arrive avec ses galettes et son petit pot de beurre que sa mère a cuit et fait. Alors, vous vous êtes beaucoup interrogé sur pourquoi est-ce que la mère cuisait les galettes avant de les faire. L'ordre des verbes, oui. C'est ça qui nous... C'est la grande question de la lecture anachronique, je dirais, ou décalée dans le temps, et beaucoup d'éditions fautives ont rétabli ce qui semble que logique aujourd'hui. Elle a fait des galettes et puis elle les a cuites, d'accord. Or, c'est le contraire dans l'ordre des mots du XVIIe siècle, car le verbe cuire de manière intransitive désigne l'acte de se mettre en cuisine, de chauffer les fours, si on en a. Ce qui donc ça prouve qu'on est dans une famille un peu aisée. Un peu aisée, dans laquelle se mettre en cuisine pour toutes sortes d'autres fabrications, et parmi lesquelles des galettes. Et on voit le côté là, improvisé au hasardeux de l'ordre de la mère. Elle n'a pas fait des galettes pour sa vieille mère. Mmh. C'est pas une bonne fille. Elle n'est pas très sympa. Elle n'est pas très sympa, non, cette mère. Et à l'occasion, elle a cuit des galettes, donc. Et donc, tiens, au fait, porte-en à ta mère grand qui m'a dit-on est malade. Voilà. M'a-t-on dit est malade. Donc, vous voyez que ça change totalement le sens de les prémices du conte. Que la situation dans laquelle est la petite fille n'est pas du tout l'exécution d'une bonne action. De tendresse, de soucis pour la mère grand. Donc c'est quoi alors ? Eh bien, c'est le surgissement chez la mère qui est inquiétante à cause de ça, d'une idée qui ne lui était pas venue, que peut-être elle aurait dû avoir avant, et qui fait que l'idée de sa mère malade est un rattrapage en quelque sorte, et qu'elle charge la petite fille d'accomplir ce geste, est aussi pour moi un des fondements du conte, un des sens cachés dans le... Je dirais que ce genre de texte, justement, a du secret. Comme vous disiez tout à l'heure, il a des sens induits ou des sens souterrains. Ça veut dire qu'il y a du chiffre, qu'il faut déchiffrer. Et au fond, c'est le moteur de toute lecture, de toute littérature. Que nous comprenions le lecteur qu'à la surface des intrigues, des actions, des personnages, des rebondissements, des coups de théâtre, etc. Là-dessous court quelque chose qui est opaque et qui, pour chaque lecteur, doit être déchiffré ou peut-être même qui va le déchiffrer à lui-même. Donc il y a quelque chose qui se joue dans les relations mère-fille, entre la grand-mère et sa fille, entre la mère et le petit chaperon rouge. Et vous voyez comme c'est vite dit en quelques mots dans le grand art classique, dans le préambule. Sa mère en était folle, sa mère grand plus folle encore. Comme si la folie se redoublait, une double maternité, deux fois mère, donc doublement folle. Et quelle est cette folie dans le langage du XVIIe siècle, n'est-ce pas, qui désigne les passions raciniennes, qui les excès des transports, hein, jusqu'à l'aberration. Mais est-elle si vieille, est-elle si neuve, est-elle si passée? Quand on voit Joyce Carol Oates en a fait un roman, la folie des mères qui font de leurs petites filles des bimbos avant l'âge, avec des strings et du strass, etc. Et qui en font des objets sexuels avant l'âge, de manière immature, car ce qu'elle place sur la tête de la petite fille, cette folie des mères, elle lui fit faire. C'est donc un truc pas si courant, hein, ce chaperon en question, qui d'ailleurs n'est ni un chapeau, ni un béret, ni un capuchon, ni quelque chose qui chaperonne justement, qui couvre et qui protège. Non, en fait, c'est une espèce de coiffe qui serait d'abord complètement anachronique. Anachronique, un chapeau de vieille, comme si on mettait sur la tête d'une petite fille qui part à la maternelle le bibi de sa grand-mère des années 30 avec une voilette, je sais pas, ou quelque chose comme ça. Oui. Si on se dit, mais les parents, qu'est-ce qu'ils leur est passé par la tête de déguiser leur enfant comme ça? Et en plus rouge. Et alors, vous expliquez que finalement, c'est un petit peu comme si aujourd'hui en maternelle, on envoyait sa fille avec les ongles rouges, oui, éventuellement du rouge à lèvres, c'est ça? Voilà, absolument. Elles en font un objet étrange qui tire l'œil d'ailleurs. Ce nom lui seyait si bien que partout on l'appelait le petit chaperon rouge, ce qui explique la création du sobriquet. Et le sobriquet vient souvent de la moquerie, c'est un mot infamant ou qui tourne en dérision, qui moque. Hein, alors qui, pourquoi cette mère et donc, agit-elle rouge, comme ça s'appelle chaperon avec son rouge chaperon partout. Rouge, d'après vous, Anne-Marie Gara? C'est sa folie d'amour. C'est sa folie maternelle du ventre des femmes, des vieilles sorcières, n'est-ce pas, que sont les femmes. On a là derrière une figure féminine terrible. C'est un amour étouffant. C'est un amour étouffant, dévorant, mortel. Et qui cherche à imposer une image et à sa fille. À projeter dans le féminin de la petite fille quelque chose qui est sans doute en devenir peut-être, mais enfin en tout cas de conformer avant de manière immature et précipitée et de faire un monstre de cette petite fille. Vous savez, le chaperon rouge, c'est une invention de Perrault. Dans toutes les versions qu'on connaît, il n'y a pas de chaperon rouge. Il y a la petite fille et le loup. Mmh. Elle n'a pas de nom dans les multiples versions qu'on a collectées. Elle n'a pas de nom. C'est lui qui invente ce nom, qui invente le chaperon rouge. Et donc, on envoie cette petite fille dans la gueule du loup, dont vous avez dit tout à l'heure que ça n'était pas le loup. Pas du tout. Alors c'est plus terrifiant encore. Qu'est-ce justement. Que c'est? C'est que quand il est derrière la porte, vous voyez, il a la voix de la petite fille. Que quand il est dans le lit, il a la voix de la mère grand. Que quand elle le voit dans le lit, elle ne voit pas du tout un loup. La petite fille fut bien étonnée de voir comme sa mère grand était faite en son déshabillé. Toc, toc. Qui est là? Le petit chaperon rouge. Le petit chaperon rouge, qui entendit la grosse voix du loup, eut peur d'abord. Mais, croyant que sa mère grand était enrhumée, répondit « C'est votre fille, le petit chaperon rouge, qui vous apporte une galette et un petit pot de beurre que ma mère vous envoie. » Le loup lui cria, en adoucissant un peu sa voix « Tire la chevillette, la bobinette, cher rat !» Le loup, la voyant entrer, lui dit en se cachant dans le lit sous la couverture « Mets la galette et le petit pot de beurre sur la huche et viens te coucher avec moi. » Le petit chaperon rouge se déshabille et va se mettre dans le lit, où elle fut bien étonnée de voir comment sa mère grand était faite en son déshabillé. Elle lui dit « Ma mère grand, que vous avez de grands bras ?» C'est pour mieux t'embrasser, ma fille. Ma mère grand, que vous avez de grandes jambes. C'est pour mieux courir, mon enfant. Ma mère grand, que vous avez de grandes oreilles. C'est pour mieux écouter, mon enfant. Ma mère grand, que vous avez de grands yeux. C'est pour mieux voir, mon enfant. Ma mère grand, que vous avez de grandes dents, c'est pour te manger. » Et en disant ces mots, ce méchant loup se jeta sur le petit chaperon rouge et la mangea. La compagnie des auteurs sur France Culture. C'est vrai que ça fait peur, hein, même quand on l'écoute ici, pourtant, tous ensemble, blottis dans un studio. Dans cette version du conte, il n'y a pas le moment où le petit chaperon rouge trouve des restes de viande qui sont en réalité les restes de sa grand-mère. Ça, c'est une version qu'on nous a épargnée avec Perrault. Le cannibalisme, hein, parce que le loup invite la petite fille à manger les lambeaux de chair répandus un peu partout. Enfin, c'est un vrai carnage qu'il a répandu un peu partout dans la maison de la mère. Perrault n'a pas pas fait manger la grand-mère par le petit chaperon rouge quand même, il ne va pas jusque-là lui. Dans ce conte, il y a comme une ellipse, dans la rapidité d'ailleurs, et c'est ça aussi, c'est effrayant, dans laquelle il engloutit la mère grand, il n'y a pas de détails si vous voulez. Perrault a ramassé dans un temps fulgurant la dévoration de la mère grand. Pourquoi ? Qui a assouvi sa faim, qui a assouvi sa faim. Avec la petite fille, il assouvira autre chose. Mais, et donc, justement, ça c'est l'art consommé, l'art magnifique de Perrault, d'installer à ce moment-là le dialogue qu'on vient d'entendre, qui est d'une efficace, dramatique, théâtralisée, si vous voulez, de cet échange dans lesquels il y a un balancement avec des symétries, des questions-réponses, etc., dont toutes ont pour visée un inventaire des fonctions physiologique, organique, comportemental, etc. Les jambes pour courir, les yeux pour voir, etc., etc. Et comme si se faisait là le catalogue de toutes les capacités, de toutes les facultés d'un corps humain. Et qui, il y a une sorte de logique. Et tout d'un coup, qui est rompu, c'est pour mieux, c'est pour te manger. Le raccourci dramatique, enfin et même tragique, et surtout qu'il est performatif, c'est-à-dire que la dernière phrase nous dit bien, et c'est qu'en disant ces mots même, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de délai, c'est en le disant, et là on voit la similitude entre les dents, la dévoration et de la chair, mais aussi celle du langage, qui exécute dans le même temps le même acte. Donc c'est aussi une grande œuvre de littérature pure. Ah oui. C'est écrit à la perfection et l'effet est tout à fait présent immédiatement. C'est sans doute un des plus grands textes du XVIIe siècle, hein, ça vaut... Racine et Corneille. Que pourtant, on ne considère pas comme étant un très grand texte. Qu'on a tellement dévalué en tant que conte, justement, que les éditions multiples ont pris des libertés, ont transformé, ont déplacé, ont changé les mots de place, ont négligé l'orthographe, etc., sans arrêt. Et là, on voit que cette désinvolture éditoriale, on l'aurait jamais avec un vers racinien. Ouais. N'est-ce pas ? Les éditeurs ont fait beaucoup de mal à ce conte, vous croyez ? Parce qu'ils l'ont sous-estimé, mésestimé. Ils pensent pas que c'est une œuvre littéraire. Que c'est une immense œuvre littéraire. Ils la prennent pour une bluette. Ouais. Et dans ce, je pense que c'est quelque chose qui dure encore aujourd'hui. Et je dirais parmi même de mes contemporains, écrivains, qui ont vis-à-vis du conte une sorte de regard un petit peu méprisant pour les raisons que je disais tout à l'heure, venant du peuple, transmis par les femmes, versé à l'enfant au XIXe siècle. Et donc il y a là quelque chose d'un peu niais, puéril, et donc qui n'est pas digne de la littérature majuscule. Or, on a là le socle absolu pour moi de toute littérature, de l'invention, de la création par le langage et de la production d'un sens qui va jusqu'aux œuvres les plus contemporaines, n'est-ce pas, qui y trouvent leur source. Auquel pensez-vous, par exemple ? Mais tout ce que peut écrire Stevenson, Conrad, aussi bien que Sandrard ou que Giono ou Faulkner ou les plus grands écrivains d'ailleurs qui se sont référés à Stevenson dans son art, ses essais sur l'art de la fiction et qui met de manière la primauté à l'invention, à l'aventure, à la création du verbe, à l'art du récit. Alors, il y a raconter encore... des histoires. Il y a encore beaucoup de choses à extraire de ce conte Anne-Marie Gara. On va le faire avec vous juste après la chronique de Mayalène Berasategui. C'est en compagnie des revues. La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Mayalène Berasategui du Nouveau Magazine Littéraire, bonjour à vous. Bonjour. Vous avez choisi d'évoquer vous aussi un conte qui, comme le petit chaperon rouge, a subi de nombreuses variations. Il s'agit de La petite poule rousse. Pourquoi ce choix, Mayalène ? Parce que je me suis rendu compte il y a quelques années que quelques éditeurs avaient changé la fin de ce conte. Donc, sachant que la version que moi j'avais eue quand j'étais petite, qui est la version traditionnelle, pour peu qu'on puisse parler de tradition pour un truc qui a manifestement pas été rédigé avant la fin du 19e siècle et dont les origines sont floues, la petite poule rousse, c'est cette petite poule qui habite avec différents animaux à la ferme et donc elle leur demande de l'aide pour planter un grain de blé, pour moissonner, pour moudre la farine, pour cuire le pain. Et à chaque fois, les animaux ont piscine et origami aquatique, ils disent non, je peux pas. Et donc, à la fin, ils sentent l'odeur et donc ils arrivent tous pour manger. L'odeur du pain, voilà. Et elle leur dit, bah non, j'ai tout fait toute seule, je vais manger toute seule. Et puis c'est tout. Et ça finit comme ça. Mais comme c'est une fin où il n'y a pas de cohésion, c'est pas le banquet d'Astérix, quoi. C'est pas. Eh ben, il y a des gens que ça a l'air de gêner aux entournures, et donc il y a des fois où manifestement, ben, les animaux mangent quand même, ou alors ils mangent pas, mais la fois d'après ils l'aident. Enfin, on sent qu'elle est pas assez morale, cette petite poule rousse. On sent que ça gêne. Ouais. Ben, en tout cas. Il y a quelque chose qui relève de comment est-ce qu'on gère l'économie d'un foyer, comment est-ce qu'on gère le partage des tâches, comment est-ce qu'on gère le fait de faire survivre, y compris ceux qui sont oisifs, qui va bien au-delà du compte. C'est surtout par les États-Unis en fait qu'est arrivée la petite poule rousse, même si c'est plutôt anglais ou irlandais a priori au départ. Et Ronald Reagan. Vous êtes en train de me dire que c'est une petite poule capitaliste, hein, c'est ça? Et je suis en train de vous dire que Reagan a pris la petite poule rousse pour faire une super parodie dans laquelle il explique que finalement les autres animaux de la ferme, ils attendent des aides sociales et que ça va bien et que la petite poule rousse, puisque c'est ça, elle va fermer la boîte. Elle va fermer la boîte, elle va arrêter de faire du pain, puis on va être bien. Et il y a une chercheuse américaine qui s'appelle Jadra Johnson qui a comparé plusieurs dizaines de versions. Du conte et qui a travaillé aussi sur les illustrations de ce conte. Et bon, il y a une des versions de la petite poule rousse où la petite poule rousse a des poussins. Et donc la petite poule rousse travaille pour ses poussins. Donc quelque part, son action est altruiste. Donc ça change un peu ce côté-là. Mais finalement, les poussins eux-mêmes, ils n'aident pas forcément à faire tout ça. Donc pourquoi est-ce qu'ils mangeraient plus que les autres animaux de la ferme? Et qu'est-ce qu'on fait des enfants des autres animaux de la ferme qui ne travaillent pas? Voilà. Donc ça pose tout un tas de questions. Il y a certaines versions où ça devient finalement un plaidoyer contre ce qu'on appellerait aujourd'hui la charge mentale. C'est la petite poule rousse, c'est une fille, puis tous les autres animaux, c'est des garçons, ils fichent rien, c'est scandaleux. Et c'est une histoire qui est extrêmement riche, même si elle est très brève, et surtout c'est une histoire qui sort de la typologie habituelle des contes. Alors est-ce que c'est pas quand même un peu le même sujet que la cigale et la fourmi, Mayalène? Ben, c'est quand même différent dans la mesure où la cigale et la fourmi, c'est des animaux qui vivent pas ensemble. Donc ils ne sont pas censés être interdépendants au quotidien et qui ne font pas partie de la même communauté. Et surtout, dans Ésope, la question de la mort de la fourmi, de la cigale, pardon, elle est traitée frontalement. La fourmi dit à la cigale, texto, tu mérites de mourir. La Fontaine, il a supprimé gentiment cette question-là et il transforme une demande d'aumône en demande de prêt. Ce qui fait de la fourmi quelqu'un d'encore plus, vraiment de pas partageur. Là où ces histoires se rejoignent, c'est finalement dans toute la créativité des gens qui les adaptent et qui se les approprient. Par exemple, il y a une célèbre illustration de Gustave Doré pour La cigale et la fourmi, où la cigale s'est devenue une espèce de bohémienne espagnole, et la fourmi, c'est une Alsacienne qui a ouvert la porte, mais alors elle tricote parce qu'il ne faut pas qu'elle perde deux minutes, et elle est aussi avec ses enfants. Donc il y a aussi la question de travailler pour une descendance. Et du coup, c'est toujours, je crois, ce qui est au centre, la question de l'interdépendance entre les gens. Et c'est quelque chose qu'on voit aussi dans Le Petit Chaperon Rouge, parce que il y a une ancienne version du Petit Chaperon Rouge qui n'est pas passée à la postérité, où le Petit Chaperon Rouge s'en sort toute seule. Ah bah elle dit demander au loup qu'il faut qu'elle aille faire pipi, elle sort et elle court et elle s'en elle va. Fait caca. Et il n'y a pas besoin en de réalité, chasseur. On a nettoyé tout ce qu'il y avait de scatologique, mais en fait, tu chies des cordes, lui demande le loup depuis l'intérieur, c'est-à-dire tu as la diarrhée, puisqu'elle met longtemps en fait pour défaire le lien qu'il lui avait noué à la jambe. Ce sont les versions à ruse, dans lesquelles la petite fille s'en sort par la ruse, ce qui est un des grands ressorts par ailleurs pour le petit poussé et les autres. Quand on est faible, on s'en sort par le mensonge, vis-à-vis des grands, vis-à-vis des ogres, etc. On ne s'en sort qu'en étant rusé. Et il y a des versions du conte, en effet, où la petite fille est rusée. Et sur la petite poule rousse, alors, qu'est-ce que vous auriez envie d'ajouter? Que chaque époque projette, comme vous l'avez dit, à la fois tout le système politique, économique, moral et individuel sur un récit qui est extraordinairement plastique et se prête, mais parce qu'il est très fort, en fait, s'il se prête à toutes ces variations, c'est qu'il est très puissant dans ce qu'il propose. Et moi, je trouve aussi intéressant cette question de l'interdépendance et des statuts des gens. Est-ce qu'il y a un homme adulte dans la pièce ou pas? Est-ce qu'un enfant peut s'en sortir tout seul? Et ça me paraît pas tout à fait anodin que ces questions liées à l'interdépendance, à la cohésion et au pouvoir soient d'actualité, en fait. Merci beaucoup, Mayalène Perasset-Guy, du nouveau magazine littéraire. À très bientôt. Tout va bien. Cette semaine, dans la compagnie des auteurs, nous retraversons certains des contes les plus célèbres de la littérature aujourd'hui. C'est Anne-Marie Gara qui nous fait le plaisir de sa présence pour évoquer Le Petit Chaperon Rouge. J'ai bien dit rouge et pas bleu, mais Michel Pastoureau peut évoquer toutes les couleurs. On l'écoute au micro de Jean-Noël Jeannenet dans cette archive. L'histoire est ancienne. On a des traces déjà dès le Moyen-Âge central où le conte s'appelle La Petite Robe Rouge. Donc le rouge est au cœur de cette histoire. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup de travaux sur pourquoi rouge. Si on est honnête, on va faire un catalogue d'hypothèses assez vaste. Est-ce que ce rouge, porté par le petit chaperon rouge, est-ce que c'est celui qui annonce le sang qui va couler, la cruauté du loup, la mort de la petite fille et de la grand-mère? Ou bien est-ce qu'on peut admettre que ce jour-là, la petite fille a mis sa plus belle robe, et dans les sociétés traditionnelles, en milieu paysan, en Europe, une belle robe, c'est une robe rouge, parce que c'est dans cette gamme que les teinturiers sont performants. Ou bien est-ce qu'on peut imaginer que ce rouge est un rouge plutôt sexuel, la petite fille, au fond, est pubère ou prépubère, et comme dit Bettelheim dans sa psychanalyse des contes de fées, elle a très envie de se retrouver dans le lit avec le loup, ou bien est-ce que c'est une explication plus... D'ailleurs, elle a connu le loup, c'est une expression. Hein. Voilà, c'est une expression qui est restée pour le premier rapport sexuel d'une jeune fille. Alors ça ne va pas plaire forcément à tout le monde, Anne-Marie Gara, mais c'est vrai qu'on est bien obligé d'admettre qu'on peut faire de ce conte une lecture érotique et même d'un érotisme assez équivoque. Oui, bien sûr, les psychanalystes dont Bettelheim ne s'en sont pas privés. On est allé même jusqu'à extrapoler toutes sortes de sens cosmologiques au petit chaperon rouge. Après tout, on ne prête qu'aux riches, n'est-ce pas? Et le petit chaperon rouge, peut-être peut-il accueillir toutes ces interprétations, dont celle très pratique et très, très prosaïque, que, en effet, c'est une teinture qui est la plus facile à obtenir, Garance, enfin bon. Mais on ne peut ignorer quand même, en tout cas dans notre culture, dans notre société, la symbolique des couleurs, et que ce rouge, s'il faut le rattacher au menstrue, s'il faut le rattacher à cet enfant prépubère, enfin, qui est en train de vivre une expérience initiatique dans le lit avec le loup, et que la dévoration est une espèce de figure métaphorisée de l'acte sexuel, d'ailleurs, ou tout simplement de l'amour, du désir, je te dévore de baiser, bien sûr, puisque la dévoration, le baiser lui-même, comme une sorte de mode atténué de manger l'autre. Il y a beaucoup question de manger et de nourriture de toute façon dans ce conte. C'est à la fois la gloutonnerie et la cruauté qui président à ce conte renvoient à des pulsions très profondes, et même celle de survie des débuts de notre humanité, mais également de la jouissance gastronomique, de la jouissance sensorielle, en fait, du palais, de la bouche, en fait, etc. Et je le maintiens, qui est celui du langage, de l'érotique du langage. Car ce conte est absolument jalonné, c'est inouï dans sa brièveté. Ce qu'il peut y avoir de répétitions qui sont chassées, vous savez bien, dans la norme scolaire ou académique, disons, qu'il faut pas répéter. Or, le petit chaperon rouge intervient, pas moi, je crois me souvenir, de 14 fois. La galette et le petit pot de beurre qui sont très proches des formulettes de volubilité à usage des enfants dans tous les pays du monde pour délier la langue, pour apprendre à articuler, de ces espèces de prouesses d'articulation. De même, tire la bobinette et la chevillette chéra. Presque un mantra, ça. Mais oui. Et même, voyez bien qu'il n'y a pas, dans ce conte, aucune baguette magique. Pas l'intervention de fées, comme il y en a d'autres ailleurs. La seule chose qui est fée, c'est le langage. C'est cette clé, cette fameuse clé, dont on peut se demander d'ailleurs qu'est-ce que c'est, s'il suffit de l'extérieur de la maison de tirer la bobinette pour que la chevillette chère, quel choix, mais alors pourquoi besoin d'une serrure puisque ça s'ouvre de l'extérieur, et pourquoi est-il besoin qu'on donne la formule pour ouvrir la porte? Mais ça c'est peut-être parce que la grand-mère était très malade et donc elle a voulu laisser la porte fermée mais ouverte aussi, qu'on puisse rentrer pour vraiment lui apporter, je ne sais pas, des galettes par exemple. Or cette devinette de contre laquelle semble buter le loup, fort entraîné, fort cultivé par ailleurs semble-t-il, de la petite fille qui doit avoir connu d'autres porte dans le pays que celle-là, c'est pas la première fois qu'elle ouvre une porte, n'est-ce pas? Cette serrure très très ancienne, même très sommaire, qui consiste à mettre un petit bâton, je sais pas comment dire, une petite la clave, hein, qu'on retire, clé, qu'on retire et qui fait tomber le clenche, mais qui est à l'extérieur, qui n'est pas à l'intérieur, qui ne protège donc en rien, sinon du vent, si on veut. Je crois qu'elle est là, la magie. Elle est dans la formule de langage. Le sésame, ouvre-toi, le abracadabra, n'est-ce pas, qu'il faut prononcer pour ouvrir le monde de l'horreur, bien sûr, de l'imaginaire. C'est un texte qui, justement, qui fonctionne uniquement là-dessus, sur la puissance du langage poétique, la puissance suggestive et qui subjugue des capacités de la langue à faire ouvrir les portes. Bien sûr, là, comme chez Barbe Bleue, hein, c'est une clé terrible. Ouais. Donc, vous êtes en train de nous dire que Perrault explique aussi, expliquer n'est sans doute pas le bon terme, mais montre le pouvoir de la littérature et dit aux enfants et aux adultes qui le lisent, écoutez, parce que d'ailleurs il faut le lire à voix haute, sans doute ce conte, il faut l'écouter à voix haute. Et écoutez comme c'est magique la littérature et la langue. Qu'il ait réussi à subsumer dans un texte littéraire aussi maîtrisé, classique, dans l'économie classique, tant de traits d'oralité qui appartiennent à la tradition archaïque, c'est une réussite inouïe. Car le conte, qu'on le lise avec les yeux, qu'on le lise à voix haute, il garde cette puissance chantante, chantonnante, de la vocalité, des vibrations qui viennent se déverser dans l'oreille des enfants. Et ils n'en sont pas dupes. Dès que c'est fini, ils disent encore. Ils sont pas les enfants. Et les adultes aussi, peut-être. Nous avons besoin qu'on nous raconte encore, parce que ça recommence. Il était une fois, recommence. Et la petite fille, hop, sortie de son anéantissement. C'est terrifiant, hein. C'est une histoire anéantissante. Alors, tout le monde, d'ailleurs, est anéanti, sauf la mère qui a fait les galettes. C'est la seule qui, finalement, s'en sort. Oui, oui. Alors, j'aimerais qu'on revienne quand même un tout petit peu sur quelque chose qui est un petit peu étonnant, et je ne sais pas si ça étonne les enfants quand ils entendent ce conte aussi, c'est que, au fond, ce petit chaperon rouge, elle ne s'étonne jamais de ce qui lui arrive. D'abord, elle rencontre le loup, lui parle, c'est normal. Et puis, quand elle arrive à la maison, il faut qu'elle se couche à la demande de sa grand-mère dans le lit de sa grand-mère. Après, elle s'étonne pas que... Enfin, elle s'étonne un tout petit peu qu'il est que la grand-mère ait de très grandes dents et de très grands bras. Mais ce qui paraît quand même très étrange, c'est le petit chaperon rouge prenant comme un donné tout ce qui lui arrive. Est-ce que ça n'étonne pas un peu les enfants, ça, d'après vous, Anne-Marie Garin? Non, je ne crois pas, parce que ça participe sans doute de notre capacité enfantine à s'étonner et s'émerveiller du monde, à vouloir le dévorer, en effet. Et que fait d'autre la petite fille dans le lit, sinon dévorer l'anatomie de la mère grand et de la détailler, et de la nommer, de la désigner du doigt, et de poser les questions, et les questions sans arrêt. Les parents sont quelquefois harassés, et pourquoi ceci, et pourquoi cela, etc. Les enfants sont des demandeurs inouïs, ce sont de petits encyclopédistes miniatures, n'est-ce pas? Et peut-être, si nous gardions cette curiosité devant l'étrange, cet appétit à découvrir les articles du monde, peut-être nous jouons les blasés, nous jouons les adultes, n'est-ce pas, avec le mépris dont je parlais tout à l'heure de certains écrivains vis-à-vis du conte. En réalité, le conte, dans sa matière même, rejoue l'étonnement productif de toutes les découvertes, de toutes les inventions, de toutes les utopies, hein, et dont fait preuve la petite fille. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi tout de même l'idée que les monstres, finalement, on les connaît, nos monstres intérieurs? Bien sûr que nous les connaissons. On les connaît, et c'est peut-être pour ça que la petite fille, finalement, quand elle se retrouve, par exemple, dans le lit avec le loup, elle sait sans doute qu'il y a quelque chose d'étrange et d'inquiétant. Elle doit bien savoir que ça n'est pas sa grand-mère. Elle doit bien savoir qu'il y a quelque chose en elle. C'est un vieux corps qu'elle examine, en tout cas. Comment sa mère grand était faite en son déshabillé, c'est-à-dire dans sa nudité. Oui, alors c'est ça, elles sont aussi nues dans elles sont nues. Ce qui était plus fréquent sans doute au XVIIe siècle, de coucher ensemble, toutes générations confondues, et quelquefois même les animaux, hein, surtout dans les manses, dans les maisons pauvres, pas dans les châteaux peut-être, et encore. C'est-à-dire que l'individualisation de la chambre à coucher et du lit à coucher, ses parents, les adultes et les parents des enfants, etc., c'est quelque chose de très tardif, en fait, c'est quelque quelque chose qui arrive au 19e siècle quasiment, hein, ou dans les, ou chez les grandes, dans les familles très riches, mais la distribution de l'espace, du sommeil et de l'intimité, et donc de la sexualité et de la mort d'ailleurs, c'est quelque chose de tardif. Donc c'est au 17e siècle encore, c'est comme pour fait cuit des galettes, là cuit et fait des galettes, c'est une étrangeté pour peut-être le lecteur d'aujourd'hui qu'il était moins pour le lecteur du 17e siècle, voyez. Mais quant à la nudité de la mère Grand, Doré ne s'y est pas trompé, Gustave Doré ne s'y est pas trompé non plus, en quoi l'illustration n'est pas que la plate reproduction servile d'un texte, c'est une véritable lecture, c'est-à-dire une interprétation. Dans une des illustrations du conte, d'ailleurs le loup est représenté, mais on le voit de dos, on ne voit pas sa gueule, et c'est quand il est dans le lit, là il lui met un petit bonnet sur la tête, mais il est avec la petite fille, et la petite fille tire d'une manière très équivoque le drap sur son épaule, dans un geste qui est à la fois de séduction et de pudeur mélangée, n'est-ce pas, et les regards entre celui du loup et la petite fille, c'est bel et bien celui de la petite fille qui est le plus dévorant. Le loup a l'air d'une grosse peluche, enfin, etc., chez Gustave Doré, et il lui a donné les mêmes yeux que les petites ogresses du Petit Poucet. Alors ce sous-texte-là, il est quand même un petit peu choquant. Pour très choquant. Quand même un conte qu'on lit aux enfants. Alors, comment vous expliquez ça, que ce soit finalement si populaire et que depuis toujours on raconte cette histoire aux enfants? Est-ce que les parents ne voient pas le sous-texte dont vous parlez, ou est-ce qu'au contraire, finalement, ils le voient et d'une certaine façon, ils pensent que c'est une bonne chose pour alerter les enfants des dangers, par exemple, des loups, voilà, de leur lire ce conte-là? Alors ça, c'est le niveau explicite de Perrault dans sa moralité, puisque c'est une forme, disons, de salon, enfin, très très socialisé du conte et de sa vogue à cette époque. Mais la moralité donne explicitement la clé. Petite fille, méfiez-vous de ces prédateurs qui viennent jusque dans les maisons, jusque dans les ruelles, c'est-à-dire l'écart entre le lit et le mur, qui suivent les demoiselles, etc. Et qui prennent des formes qui sont parfois des formes justement très civiles, et les plus dangereux ne sont sous ces dehors de la séduction, méfiez-vous du prédateur, du violeur. Donc, c'est un avertissement. Eh bien, des contes sont des contes d'avertissement. On le voit bien aussi pour la petite, la poule rousse, enfin, etc. C'est une de ses grandes fonctions, comme celui de compensation aussi, du conte de compensation, qui permet de se consoler des misères de l'existence, où on devient plus fort que l'ogre, plus fort que les rois, plus fort que, qui sont les ogres, voilà. Mais ce conte-là, je pense qu'il donne un avertissement non explicite, non énoncé par Perrault, et qu'entend très bien les parents. Je pense que bien des parents qui racontent se le racontent à eux-mêmes, ce conte, autant à l'enfant sur qui ils voient l'efficace, voient opérer sans toujours en connaître les ressorts, mais se le racontent aussi à eux-mêmes, sachant qu'il y a là-dedans quelque chose qui les concerne également. C'est-à-dire, qu'est-ce qui les concerne? Pour moi, l'interprétation plus scandaleuse, peut-être plus tabou, hein, qui est énoncée, c'est « Petite fille, méfiez-vous de vos mères ». Et Lacan l'a théorisé, bon, et Freud sont passés par là. Perrault écrit bien avant, n'est-ce pas? Donc c'est quelque chose d'anachronique peut-être de l'interpréter ainsi. Mais quand même, il s'agit bien de ça, de cette petite fille qui est expédiée par sa mère auprès de la vieille mère, à sa place, donc va voir là-bas si j'y suis, pour que la vieille mère accomplisse cette fin, assouvisse cette fin de loup, de louve, si l'on veut, hein, en dévorant la chair fraîche de l'enfant, cette grande convoitise des vieilles mères pour les bébés de leurs filles, qu'elles s'approprient parce qu'elles ont un savoir d'avance sur les maternités. Et d'ailleurs, dans les maternités ou à la maison, les jeunes mères savent bien combien leur vieille mère est là en train de réinventer leur vieille maternité, leur vieille matrice, leur corps ménopausé ou qui marche vers la mort, de le réanimer par une consommation de chair fraîche qui va... Et c'est ça aussi la magie de l'enfant, de la chair de l'enfant, que d'être contagieux rien qu'à son contact, d'accomplir ce que Victor Hugo décrivait, le cercle de famille qui s'éblouit et se régénère de la présence. Là, on est devant des choses très archaïques qui remontent à la caverne, hein, la promesse de l'enfant. La compagnie des auteurs sur France Culture. Anne-Marie Gara, on a parlé beaucoup des mères. On va peut-être parler un peu des pères et des hommes aussi. Alors, il n'y a qu'un homme, finalement, c'est le loup. Et encore, il est un peu ambigu, cet homme, parce qu'il se déguise en femme. Où sont les pères? Où sont les hommes? Il ne se déguise pas chez Perrault. Il est la mère grand. D'ailleurs, la tradition populaire ne s'y trompe pas, qui a inventé cette poupée à double tronc, si vous voulez, où on renverse sous la jupe de la mère grand, il y a la petite fille. Mais quand on a la mère grand également, elle a un chapeau, et quand on enlève le chapeau, derrière sa tête, il y a le loup. Donc la tradition populaire ne s'y trompe pas, la mère grand est le loup. C'est elle, le loup. Et d'ailleurs, ce loup qui peut, comme je disais tout à l'heure, adopter tous les aspects ou toutes... Du moins sa voix, dans la forêt, sa voix, sa place, c'est pas la mère grand quand et même, ses fonctions. Parle, non, il adopte tous les rôles sans ça qu'il est bien plus terrifiant. C'est du morphing. Je ne sais pas si vous admettez dans les effets spéciaux modernes ce que l'on peut pourrait imaginer pour ce loup qui peut prendre toute forme, tout visage. Et en cela d'ailleurs, c'est celui des prédateurs qui séduisent les enfants parce qu'ils sont les plus proches. Ils sont les parents, les oncles, les amis. Le prêtre en qui on fait confiance, etc. Ce visage tout à fait qu'on peut fréquenter, si vous voulez, et c'est celui-là le plus dangereux. Quand on entend ça, c'est un des avertissements les plus terrifiants qu'il y ait dans ce conte, et en même temps peut-être les plus bénéfiques. C'est que sous tout visage, y compris familier, socialisé, peut se cacher ce mufle terrifiant du dévorateur dont on va être la proie. C'est aussi désigner le corps enfantin, sans doute, comme un objet de convoitise des plus répandus, des plus universels, y compris sous les auspices de la maternité et de la grand-maternité, de cette appropriation du corps de l'enfant que l'on peut faire un objet exprimer toutes ses pulsions et son désir, et les plus archaïques et les plus profonds de régénération, d'existence, de possession, de tout ça. C'est un conte qui remue en nous des choses terribles et des choses en même temps magnifiques qui sont celles du vivant. Mais tout de même, je reviens à mon idée que les hommes sont absents, à oui, part, très absents là. À part le loup. Les bûcherons. Il y a les bûcherons. Mais alors les bûcherons, ils sont dans la forêt, mais ils font pas grand-chose. Hein. Inopérants. C'est une affaire, c'est un des rares contes où c'est une affaire entre femmes, je crois, en effet. Où les ogres, où l'ogre lui-même prend toutes les figures que je viens de dire sous les auspices du loup. Il y a d'autres contes de Perrault dans lesquels les hommes ont des rôles qui sont pas si... Sauf celui un peu niais, quoi, et traditionnel, du chevalier blanc qui arrive au dernier moment, les frères qui sauvent Poda, qui sauvent la femme de Barbe Bleue, etc. Mais là, en effet, comme s'il y avait un sentiment, une préscience, je ne sais pas quoi, que là, les hommes n'ont pas grand-chose à faire. Encore que, je vous signale, ça aussi c'est du génie de la langue, dans la conclusion, et ce méchant loup se jeta sur le petit chaperon rouge et la mangea. Vaugelas se retourne dans sa tombe, n'est-ce pas? On n'accorde pas un pronom personnel féminin avec un nom masculin. Le petit chaperon rouge la mangea. Mmh. Et même là, l'hésitation sur le sexe, qui est un des marqueurs de l'enfance, où l'on s'interroge sur ce que l'on est, sur le genre et sur l'identité sexuelle, etc., est contenu dans la langue même du moment de la dévoration. Mais d'ailleurs, Perrault, lui, a eu, quand il... écrit ce conte à subir la perte de sa femme, il est veuf, mais il a eu un fils qu'il a eu très tard, et donc le dernier. Quand il écrit, il a un petit garçon à la maison. D'Armancourt. Oui. Qui serait à l'origine de l'histoire, parce que là, ça, c'est une autre histoire passionnante, qui a été, bien sûr, tout à fait défrichée par la critique littéraire, qui a quand même travaillé. Voilà. C'est ce petit garçon qui, sans doute, vers 12 ans, par là, écrit, l'intuition et d'écrire en exercice d'écriture, n'est-ce pas, des contes qui ne peuvent venir que des mis, des nourrices, des femmes du peuple, d'où vient le récit, dont peut-être Perrault lui-même a entendu parler enfant, à travers les nourrices et les mis, mais sûrement pas par les lieux lettrés qu'il fréquente. Or, c'est le génie de Perrault, homme dans la lutte des anciens et des modernes, d'être du côté des modernes et de la langue de Rabelais, qu'ont illustré et défendu tous les grands auteurs du XVIe siècle, n'est-ce pas, qui devient attentif et qui, par-dessus l'épaule de son enfant, voit ce filon inouï de cette tradition populaire méprisée, parce que les contes que l'on raconte dans les salons sont des contes savants qui viennent de la tradition italienne de Boccace ou plus loin des Aupes, évidemment de la tradition ancienne. Ce conte-là, il est dans ces brutes, cruels, barbares, dirions-nous, archaïque, n'a rien à voir avec les contes policés et les jaunes, les bons, etc. Et donc, lui, on comprend tout de suite le génie parce qu'il est un homme de son temps et c'est lui aussi qui vole à l'enfant d'une certaine manière ses premiers contes, les premiers, là, les sept premiers, et qui va leur donner une grandeur littéraire dans une espèce de rapt qui lui aussi est peut-être un crime, j'entends. Que quand les parents prennent le mécano à la place, je dirais le mécano aujourd'hui, les Playmobil ou je ne sais pas quoi, de l'enfant, viens, tu vas voir, je vais le faire à ta place. Et bien sûr, les adultes le font bien mieux. Mmh. Et lui, il réécrit, il écrit, il met sa patte d'écrivain pour achever l'écriture des contes et les confier ensuite à une édition de prestige qui va obtenir à son fils je vais te recommander auprès des grands, et c'est ce qui lui arrive, et d'ailleurs, dont il meurt de manière précoce. Et là, il y a la mort là derrière. Il y a de la mort et peut-être du crime paternel, d'abus paternel, d'abus symbolique, d'avoir volé à l'enfant sa langue, la langue des mères, la langue des mis, la langue morte des mères, et d'en avoir fait cette langue littéraire sublime. Que le père et le fils soient si intimement mêlés dans cette affaire du livre et du crime, et dites-vous, il en résulte, dites-vous, un sentiment passionnel et troublant. Merci beaucoup, Anne-Marie Gara. Je conseille vivement la lecture de votre livre « Une fin de loup », lecture du Petit Chaperon Rouge, paru chez Actes Sud en 2004 et réédité en 2017. Cette émission n'aurait pu avoir lieu sans Stéphanie Vélin, Didier Pinault, Anne-Vanessa Prévost, Laurence Malonda, Laurent Travagli-Chanal et Jean-Guilain Meige. Demain, dernier moment de notre série consacrée aux contes en cette période de fête, nous serons avec Cyril François, l'auteur de La Voix des Contes, publié aux presses universitaires Blaise Pascal. Mais tout de suite, c'est le retour de la poésie et c'est avec Jacques Bonafé. Ah bonjour, bonjour la compagnie. Poéticide. Trouvez-moi l'auteur. Hans Limon. On avance vers l'acmé finale. Les temps sont durs, rayés. Après tant de pages barrées, d'un trait rayé mais malgré tout consultable, Limon, dans une visite supposée à Moreau, Marcel Moreau, l'écrivain rue Cambronne, lâche en volée superbe les derniers poèmes, stances emphatiques, visionnaires, agitées, transcrites en clair. Laissé à vue, et ça donne « Surtout, ne me réveillez pas, ne me réveillez plus, car j'ai vu de mes yeux, su de mes yeux, cru de mes feux, par les transcendances fulgurantes, les déjections sublimes de l'éther, de l'abîme, j'ai tremblé d'aviser l'inaperçu, tremblé d'accoster l'inattendu, tremblé de ce corps pudique et répandu, jusqu'à fendre le temps, la chair, la nue. » J'étais sur la cime de ce monde que nous perdons sans avoir possédé le moindre grain de beauté, sur la cime de ce dôme des miracles dépecés, quand l'ombre d'un griffon transperça ma peine et mes pleurs, m'emportant sur son aile. Alors, là, on peut faire une pause, mais l'ascension qui nous attend, mémorable, prendra au moins 2 jours. Vous êtes prêts? J'ai vu des galaxies pieuvres embrassant maintes épaves sismiques piquées d'étincelles frondeuses, des planètes siamoises vrillant comme de multicolores toupies, le souvenir du bateau ivre derrière cette énumération, dans leurs jupes ceinturées d'or chamarrant l'infini, rieurs de brutes bordées crachant le météore et le chaos sur la nef du mouvement perpétuel de fixité, le déchaînement des parallaxes au-dessus des puits d'antimatière, la masse oxygénée des possibles aux confins des systèmes démultipliés, le reflux des lacs stellaires balbutiant quelques rides au cœur du silence millénaire, l'équilibre hydrostatique émiettant l'écrasement, capturant l'envol évasif des chapelets de lune sur l'autel gazeux des messes en expansion. De nouveau, on fait une pause avec lecture d'une partie de cette lettre de Marcel Moreau, le Moreau de la fin, qui se trouve dans le livre « Cher ami et génial agitateur de mots, j'ai été surpris par toi en flagrant délit de flaccidité, alors que dûment cravaché, tes plus que surprenantes circonvolutions se sont montrées capables de fendre l'écorce qui nous sépare de l'accession au verbe pur, de la représentation première du voir originel. D'où ce séisme, ce matin-là, ce tremblement de nerfs à deux chiffres sur l'échelle de Richter, satané musicien, immonde géophysicien. Sache que j'ai beaucoup trop aimé ton livre, excepté le titre peut-être, car j'aurais préféré tyrannicide, si j'en juge par le nombre de têtes coupées à cette fameuse hydre du langage, à la seule force de ta sorcellerie juvénile de pince-nerfs. Encore, ce langage qui ne nous aime que couchés par terre, grognant, les mains calleuses et la poitrine endurcie, tu danseras en désespoir de cause, peut-être, mais tu connais déjà les pas et ton souffle bat la cadence. Merci Jacques Bonafé, vous nous lisiez aujourd'hui des textes de Hans Limon.